Salut Manu, bonjour à tous. C'est froid encore ce matin, mais moins qu'hier. Quasiment pas de gelée dans la moitié nord en ce moment. On est quand même autour de zéro un petit peu partout, avec aussi pas mal de brouillard. Dans le ciel, les éclaircies vont dominer sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, le sud-est retrouvera un temps sec. Grand soleil pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Quelques gouttes quand même de la Bretagne à l'Île-de-France. Au meilleur de la journée, il fera 7 degrés à Sedan, comptez 8 au Mans, jusqu'à 16 à Toulon pour les maxis. 2 ans après, le bilan est plutôt encourageant. L'arrivée du paquet neutre semble efficace pour éloigner les ados français de la cigarette. Le dernier rapport officiel montre une baisse du nombre de fumeurs chez les moins de 18 ans. Seuls 5% d'entre eux ont testé la clope à l'heure actuelle, contre 25% il y a 3 ans. Une bonne nouvelle, malgré des pressions, le gouvernement s'est engagé hier à ne pas augmenter les frais d'inscription à la fac l'an prochain. On est à 170 euros pour une entrée en licence en ce moment, 243 pour un master. Très loin donc derrière l'Italie, les Pays-Bas ou encore les États-Unis, où il faut débourser 9700 euros pour des études supérieures publiques. Après Insta, c'est Amazon qui vient de connaître un gros bug à son tour. Des noms, des adresses, des emails de certains clients ont été divulgués par erreur sur le site de e-commerce. Des fuites confirmées aux États-Unis, mais aussi en Europe. Aucun mot de passe n'a été volé, en tout cas. En principe, toutes les personnes concernées ont été prévenues par mail. Le sport avec l'Euro féminin de hand qui se déroulera chez nous du 29 novembre au 16 décembre, ça approche. Les Bleus championnes du monde vont donc tenter de décrocher le titre continental à la maison. Il reste des places dans les villes hautes, dont la plupart à moins de 8 euros. Alors si vous avez envie de voir une rencontre à Paris, à Brest, à Montbéliard, à Nancy ou encore à Nantes, vous pouvez vérifier les dispos sur le site officiel de la compétition, ehf-euro.com. J-1 avant la finale de la Coupe Davis de tennis, les Français défendront leur titre face à la Croatie pendant 3 jours. Joe Wilfried Tsonga s'est entraîné normalement hier après avoir ressenti une petite gêne au bras droit. Il devrait donc pouvoir débuter demain à Lille. Des montants toujours aussi hallucinants, Katy Perry est officiellement la chanteuse la mieux payée dans le monde cette année, selon le classement du magazine américain Forbes. 83 millions de dollars en plus sur son compte en banque grâce à une tournée, mais aussi à son rôle de juge dans la version américaine de La Nouvelle Star. 2e place pour Taylor Swift, 3e pour Beyoncé, pourtant leader en 2017. On termine avec un concert Energy. Muse a annoncé une 2e date l'an prochain au Stade de France pour sa tournée, la première étant déjà complète. Rendez-vous donc le 5 juillet du côté de Saint-Denis pour les fans français du groupe. La billetterie ouvre ce matin à 10h précise. Pour l'instant, il est 6h02, c'est la fin de ce flash. On est jeudi 22 novembre. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée. Salut les wouwouins. Salut. Bonjour Isabelle. On ouvre les yeux. Bonjour Paulette. Très heureuse. Bonjour Glandu. Danse de la joie. Bonjour Nico. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour papa. Mais non, il est là. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Très très belle imitation de Jean-Pierre Foucault de Nico. Ouais, je l'aime bien. Ça sent la bonne journée, ça. Voilà. 6h03, soyez les bienvenus. On est de retour pour démarrer la journée avec vous. On est jeudi, c'est le 22 novembre. C'est Manu dans le 6-9. Bonjour jeudi. Bonjour jeudi. On va s'écouter Drake dans 2 minutes. Et juste après, comme chaque matin, c'est les concours du jour. Attention, vous dites peut-être que parfois vous n'êtes pas le meilleur papa du monde, la meilleure maman du monde. Ouais. Rassurez-vous, j'ai pire que vous. Combinaison de mauvais parents ce matin dans les concours du jeu. Vous allez vous sentir bien. Avant ça, qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer l'émission, pour démarrer cette journée, Paulette? Hier, j'ai rejoint ma sœur au resto parce qu'elle me présentait son nouveau mec avec qui elle est depuis 2 mois. Ou 2 mois pour présenter quelqu'un, c'est... Ouais, elle est sûre, quoi. Ils sont dans le love absolu. Ils vont pas arrêter de se rouler des galoches à table. Des galoches. Se rouler des galoches. C'est gênant quand t'es célibataire et t'as 2 personnes qui se roulent des grosses galoches. Ah, c'était très gênant. Alors moi, j'essaye d'arrêter, je n'ai plus l'âge de tenir la chandelle, hein, quand même. Mais toi, apparemment, ça te plaît, d'accord. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'à la fin du repas, le mec, donc de ma sœur, se met à genoux et la demande en mariage. Mais non. Quoi ? Si, si. Au restaurant ? Ah oui, au restaurant. Il sort une bague. Il se met à genoux, il sort une bague. Et là, il lui dit « Sophie, est-ce que tu veux m'épouser ?» Devant toi ? Ah bah oui, devant moi. Mais il savait que t'allais être là ? Bah bien sûr qu'il savait. Après 2 mois ? Oui. Oh merde. C'est un peu chelou, il va peut-être un petit peu vite ce jeune homme. Bah, je crois qu'il a plus de temps à perdre, hein. Il veut y aller, puis il est sûr. Il faut savoir qu'il a 97 ans. Oh non, arrête. Ok. Et là c'est la super chandelle quoi. Il y a tenir la chandelle et il y a être face à une demande. Ah ouais, elle, là c'est un chandelier qu'elle a tenu. Hein. Exactement. Wow. En même temps, moi je trouve ça super beau de vivre ça avec sa sœur. C'est un ouais. grand et beau moment. Moi j'étais fière qu'il le fasse avec moi. Bah ça veut oui. dire qu'elle lui a dit que j'étais importante quoi. Bien sûr. Bah oui, oui. Et du coup. Ouais, du coup. Ah, est-ce qu'elle a dit oui? Oui. Oh, on s'en fout, on laisse le suspense. Mais non, on s'en fout pas. Prochain épisode. Elle a dit oui? Elle a dit oui. Oh là là. Oh là là. J'ai trouvé ça magnifique. C'est énorme. Alors, larmes aux yeux, commande de champagne. Après ah. deux mois, waouh. Tu vas forcément être la témoin du coup au mariage. Ah bah j'espère bien quand même, c'est le minimum. Ah, tu vas devoir écrire un texte et tout pour. Bah oui, alors je suis capable, Manu. Non. Alors, on va t'aider, hein, parce que là. C'est quand le mariage? Bah attends, elle vient de le demander. Ah ouais. Oh, je sais pas, j'y connais rien, je suis pas mariée moi. Et vu comment il est pressé, ça se trouve, il a déjà acheté la maison, la voiture, il a tout. Hein. Il est tellement pressé, à mon avis, il a déjà divorcé le mec. Arrêtez, non. Autre chose dans votre vie, ouais. Nico? Ouais, moi j'ai un cadeau pour toi, Manu. Je suis venu avec un petit cadeau ce matin. Oh bah dis donc. Oh, bah t'as un cadeau pour moi? J'ai un cadeau pour toi. Parce que t'en as rêvé, on en a souvent parlé, et je l'ai fait. Oulala. Ah, regarde ce que je t'ai acheté. Hein? Je vois pas de loin. C'est quoi? Moi je vois un porte-clé. Ouais. Oui, c'est ce que. C'est pas un simple porte-clé, Manu. Ah bon? Tu les vois, les équipiers au McDo, c'est qui ont le porte-clé zip là. Avec la clé qui peuvent. Tu sais, il s'est accroché à la ceinture et avec la clé, il peut ouvrir les petites caisses là. Ouais. Et bah, je t'ai acheté ça, Manu. Souvent, t'en parles, tu dis putain, c'est trop classe, les mecs, ils arrivent et tout. Bah, non, Amazon, non. Amazon, je l'ai commandé hier, il est arrivé hier soir. Oh, ouais. Non, je parle effectivement souvent des mecs au McDo qui ont leur porte-clé qui tirent comme ça pour mettre sur les caisses, là, les managers. Mais j'aime pas. Ah, mais si Manu. Mais non, mais j'en parle pour déconner. Ouais. Mais ça fait cow-boy. Attends, c'est stylé. Mais cow-boy, c'est le ceinturon avec le chapeau. Bah, je peux te commander un ceinturon. Non, mais c'est bien, mais c'est vrai qu'à part au McDo, t'as pas vraiment d'utilité dans la vie pour dégainer ta carte. Mais tu rigoles, attends, regarde ça. Clac, clac, clac, clac, clac. Tu sais quoi, tonton, fait le sujet. Vous avez reçu un cadeau et c'est un moment malaisant. Moi, je suis en train de le vivre, là. Le pauvre, c'est hyper touchant. Il est plein d'amour. Il a fait sa commande. On dit pas quand on n'aime pas un cadeau. Il y a une petite lumière en plus. Tu vois, tu peux. Si jamais t'es dans la nuit, t'arrives, t'as un petit peu tard le soir, déjà tu ne perds pas tes clés. Nico, voilà. Nico. Tes voisins, ils vont dire c'est le meilleur voisin du monde. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, ça va. Ça me touche. Ouais. C'est juste qu'on s'est pas bien compris. C'est tout. C'est pas. Putain, j'étais sûr de tomber pile poil. T'as un bon de retour ou pas sur Amazon? Non, je viens de l'ouvrir. J'ai déchiré le paquet en plus. Ouais, c'est 10 euros sur Amazon. Il me reste qu'une seule chose à faire du coup. Ouais. Aller bosser au McDo. Je suis désolé. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, mais écoute, ça me fait plaisir. Je le garde. On va pas terminer là-dessus. Quelqu'un d'autre. On peut terminer l'émission. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pour démarrer l'émission, Glandu? Moi, je trouve un moyen pour ne pas dîner seul en restant chez moi, tout en restant chez moi. Ah bah, tu t'achètes un petit porte-clé, comme Nico, là. Hier, je me suis calé à un rendez-vous Skype avec un pote et on a dîné par Skype ensemble, du coup. Moi, j'étais chez moi, il était chez lui, on a dîné. Et avant, je lui ai envoyé un petit texto. Je sais pas ce qui est le plus triste, le porte-clé McDo ou alors. Oh non, c'est pas. Je lui ai envoyé un petit texto pour lui dire le menu et que du coup, on s'était fait la même chose. Oh, mais qu'est-ce qui. Non, il faut qu'on sorte. Hein. Non, mais c'est sympa. Non, c'est pas sympa, non. T'es pas seul. Glandu vient de me remonter le moral en deux secondes. Ouais, c'est vrai qu'il y a pire que le. Bah oui, non. Tu dis dîner, mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez mangé justement. On a mangé. Non, on veut pas savoir. Si. Non, je t'assure que non. C'était caché, petite pomme rissole. Non, j'avais dit non. Venez, on démarre l'émission. Allez. Savez quoi? On considère que tout ça, c'est rien. On oublie la sœur qui se marie au bout de deux mois. On oublie le porte-clés McDo qui me fait pas du tout plaisir. Et on oublie la tristesse de Glandu qui mange avec son pote en Skype parce qu'il veut pas dîner tout seul. Tout ça, on oublie. Oui. Et on dit qu'à partir de maintenant, c'est une nouvelle journée qui démarre. Okay. Et on vous présente nos excuses à tous. Les cocons du jour arrivent dans 3 minutes après Direction Énergie. And I need ya, and I'm down for ya always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for ya always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. When you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block, like like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code, code to the safe. Show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you. Down for you. Down for you always. Soyez les bienvenus sur Énergie, on est jeudi et cette journée on la démarre tous ensemble. On va s'écouter DJ Snake dans 3 minutes, mais avant ça on se fait du bien. Et pour se faire du bien, rien de mieux que les concons du jour. Ouais. Tous les matins, je vous raconte des histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Ce matin, une sorte de spécial parents bizarres. Ouh là là. Okay. On démarre à Nantes, un homme s'évade de prison. Il s'évade de prison le 9 juillet dernier. Oui. Il vient d'être retrouvé. Parce qu'il s'est rendu lui-même hier à la police. Ah ouais ? Écoutez la raison. J'étais en planque chez mes parents, je ne les supporte plus avec leurs règles. Si j'avais su, j'aurais préféré faire ma peine normale en prison. Mais non. Mais non. C'est pas incroyable ? Un ado rebelle, quoi. Qui va mettre un sens interdit après sur ses cellules. Après, son vœu est exaucé du coup, hein, parce que bah, il a été remis en prison. Ouais. Après, et encore après, le truc quand même improbable, c'est que. Les parents donc savent pertinemment que leur fils donc s'est évadé de prison. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est pas bien de le planquer, non. Quand même de base. Ah, y a rien de. Mais à côté de ça, il y a les règles. Ouais. On mange à 8h et on fait l'île le matin. Oh là là. Rien ne va dans tout ça. Non, non. On continue avec des parents improbables. Écoutez bien, ça se passe aux États-Unis. Une femme de 36 ans, la semaine dernière, veut emmener son enfant de 12 ans chez le dentiste. Ah ouais. Ils ont un rendez-vous. Mais évidemment, son enfant, comme tous les enfants, ne veut pas aller chez le dentiste. Ouais. Et lui, il veut tellement pas aller chez le dentiste qu'au moment de monter dans la voiture, en fait, il lâche la main de sa maman et il escalade, il grimpe sur le capot de la voiture et il bouge plus. Voilà. Oh. Non, je veux pas aller chez le dentiste, je resterai sur le capot de la voiture. Okay. Ouais. Et là, sa mère, la seule chose qu'elle fait, au lieu de l'enlever du capot et de le mettre dans la voiture, elle rentre dans la voiture et elle la démarre. Oh, mais non, quoi, mais non. Elle démarre la voiture avec son fils de 12 ans sur le capot et elle avance. Mais non. Et c'est pas fini l'histoire, parce qu'elle l'emmène pas chez le dentiste. Elle roule comme ça pendant 2 km jusqu'à un commissariat de police. Ah ouais ? Elle est tarée. Alors, a priori, ça devait être parce qu'elle espérait que la police dise à l'enfant, il faut aller chez le dentiste. Et oui. Ouais. Alors non, du tout. Non, la police, en fait, quand elle a vu la mère arriver avec l'enfant sur le capot, elle a dit, mais madame, c'est interdit par la loi. Bah, oui. Mise en danger l'enfant, la nana a été arrêtée. Oh là là. C'est fou. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été chez le dentiste. Il a gagné. Alors, dernier concours du jour, ça se passe à Lyon. Un prêtre se fait arrêter par les gendarmes pour excès de vitesse. Et oui, on peut être prêtre et être en excès de vitesse. Bah ouais. Et là, il sort cette excuse. Ce n'est pas de ma faute, ma voiture est possédée. Le diable sait qui je suis et a pris le contrôle au volant. Wow. Okay. Et ben, vous me croyez si vous voulez, mais l'excuse n'a pas marché. Ah tiens, incroyable. Il a pris un gros PV. Ah ouais. Allez, 6h14, on se dit qu'il y a pire que nous dans le monde. C'est les concours du jour et c'est tous les matins. On va s'écouter DJ Snake dans 3 minutes. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu et les ouin-ouin du matin. Manu et les ouin-ouin du matin. Energy. them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. Avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. La France avance et c'est pas grâce à eux. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Isabelle Nanty, elle est ce soir dans Munch sur TF1. Ah oui, allez. Ça cartonne, hein. Mais oui, ça marche trop bien. Mais alors, c'est mon petit plaisir du matin, lire le scénario de Munch. Ah. Écoutez bien. Munch accepte de défendre Paul Sauveur qui a abattu un jeune homme qui tentait de braquer sa clinique vétérinaire. Ouh. Gaspard découvre des éléments cruciaux sur Sauveur. De son côté, Hubert, qui supporte mal sa colocation avec Aurélien, s'occupe du dossier de la petite amie de Joseph, Marion. Celle-ci est hospitalisée pour une embolie pulmonaire après la prise d'un contraceptif oral. Hubert veut prouver la responsabilité du laboratoire pharmaceutique. Donc, en quatre lignes, on a déjà oublié ce que Munch doit faire dans cet épisode. Trop de personnages, les gars. Le prenez pas mal, vous n'êtes pas Game of Thrones. Et on ne veut pas avoir Munch toute nue. On ne veut pas de dragon. Trop compliqué, Munch. Vous savez quoi, énergie loose, il y a les gens, ce sera très bien pour ce soir. On est bien. Allez, 6h18, DJ Snake et Selena Gomez sur énergie. Et juste après, nous allons parler du balèze pas loin de chez nous. On fait ça de temps en temps dans l'émission. Le principe est très simple. Vous avez quelqu'un autour de vous qui est vraiment fort, qui est vraiment costaud, qui est vraiment balèze, vous dites waouh, tonton il est hyper balèze. Ouais. Et bien venez nous expliquer pourquoi. 0 870 42 48, on vous prend au téléphone dans 3 minutes. Bon réveil sur Énergie. Prende los motores de Kawasaki en la discoteca.

Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rudecommerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google ? Tout Carrefour et rudecommerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Vos magasins Carrefour sont ouverts dimanche. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Mais où est-ce qu'ils courent tous ? Chez Ford, il y a un crédit à 0% et la TVA offerte pour le Black Friday jusqu'au 26 novembre. Peut-être qu'on devrait courir nous aussi, non ? On se retrouve chez Ford ! Bah, attends ! C'est le Black Friday chez Ford. Profitez d'un crédit 0% et de la TVA offerte sur plus de 2000 véhicules tout équipés et prêts à partir. Il y a beaucoup de monde là ! Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10 000 euros empruntés, 2 000 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute. J'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Demain et après-demain, ils nous font le kilo de banane à 99 centimes. 99 centimes le kilo de banane ? Mais ils nous prennent pour qui ? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles ? À deux balles ? Ah non, 99 centimes le kilo, patron. Oh, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou anti-française. Vendu en vrac. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On va s'écouter The Prince Karma. Il y aura aussi le dernier soprano pour vous. Et dans même pas 10 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent. Un homme sur 5 a déjà offert ça à sa partenaire en cadeau d'anniversaire. Ouais. C'est surprenant. Ah, mais pourquoi pas la réponse, eh ben c'est non. Moins de 10 minutes, les sondages du matin arrivent. Tout de suite, les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est mieux ce jeudi côté météo. On retrouve un temps plus agréable avec des éclaircies pour tout le monde, du grand soleil même dans le sud-ouest. Et il y aura bien quelques averses de la Bretagne à l'Île-de-France, mais rien de bien gênant en principe. Attention quand même au brouillard en ce moment dans la moitié nord. Les températures, elles remontent un petit peu. On repasse dans le positif, mais tout juste ce matin. Cet après-midi, il fera 7 degrés à Bourg-en-Bresse, comptez 9 à Rennes, jusqu'à 13 pour Albi. Une promesse, le gouvernement ne touchera pas aux frais d'inscription à la fac l'an prochain. Et pourtant, la Cour des comptes a mis la pression pour que les droits augmentent assez nettement d'ailleurs. À l'heure actuelle, il faut débourser 243€ pour un master contre près de 10 000 aux États-Unis dans le public. Malgré la concurrence, la télé reste toujours aussi populaire dans les foyers français. Selon l'étude du CSA publiée hier, 94% des familles ont un téléviseur à la maison. En revanche, quand on vit seul, plus on est jeune et en ville, moins on a tendance à s'équiper. Côté habitude, le boom de la VOD se confirme. Les Gilets jaunes, le mouvement continue, même si on attend une plus forte mobilisation samedi pour la nouvelle journée d'action dans Paris. La situation dégénère en revanche à La Réunion. Des bandes de casseurs provoquent le chaos en marge des blocages. Un couvre-feu a même été déclaré dans plusieurs villes de l'île pour favoriser le retour au calme. Les écrans, véritables stars du Black Friday. Demain, c'est le moment de réaliser de bonnes affaires. Jusqu'à 20% de réduction annoncée pour l'occasion cette semaine. Selon une étude, ce matin, les plus gros rabais affichés sont au rayon enceinte connectée et jeux PS4. Il est de la vieille école et ça cartonne toujours. Après son comeback avec l'album Géopoétique, MC Solar entame sa tournée partout en France avec énergie. En 28 ans de carrière, le rappeur a eu le temps de séduire avec sa plume. Parents, adultes, ados, enfants, tout le monde se mélange pendant ses concerts et c'est d'ailleurs ce qu'il aime. Ça m'a toujours plu, le mélange des générations, depuis le départ. Parce qu'au départ, souvent, on avait tendance à parler pour nous, les rappeurs, casquettes, baskets, offensifs et tout. Et j'ai fait des chansons un peu bizarres. C'est-à-dire que des fois, je voyais des profs à moi qui étaient dans les concerts avec les jeunes des crews. Et donc, quand on rencontre la diversité de la population, on a tendance à écrire avec ce qu'on voit. On sort d'un cloisonnement, d'un isolement. C'est pas nouveau, en fait. Depuis le premier jour, on dirait que quand j'étais petit, je faisais du rap d'adulte. Alors maintenant, je vais tendre à faire du rap d'enfant pour avoir tout le monde. Ouais, interview signée Morgane Derrien. Solar a retrouvé ce soir sur la scène de l'Accor Hotel Arena à Paris. Il sera ensuite à Nantes, à Limoges ou encore du côté d'Aix-en-Provence. Un véritable tour de France. 6h34, c'est la fin de ce flash. Jeudi 22 novembre, très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie. Comme d'habitude, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Bonne journée. Tout le monde panique, c'est nous qui détenons les clés du camion. Oh là là. On est avec vous pour démarrer la journée. C'est Manu dans le 6-9. The Prince Karma arrive, il y aura aussi le dernier Soprano. Et les sondages du matin arrivent dans 3 minutes. Avant ça, quelques infos. On est jeudi aujourd'hui, c'est le 22 novembre. C'est la Sainte Cécile. Qui est la patronne des musiciens. Voilà. C'est celle qui est censée protéger les musiciens. Personnellement, elle n'a pas spécialement veillé pour moi au collège pendant les cours de musique. Quand je vais jouer de la flûte devant tout le monde, là, franchement, pas sûr qu'elle ne peut pas être au four au moulin, Sainte-Cécile. Elle s'est occupée de plus d'autres personnes que nous. J'ai une info gilet jaune. Écoutez bien, dans la Manche, des routiers, quand on marre d'être bloqués tous les matins par les gilets jaunes, ont à leur tour bloqué les gilets jaunes pour les empêcher de rentrer chez eux. Le bordel. C'est qu'ils ont bloqué les gilets jaunes. Les routiers ont fait ça. Routiers qui eux-mêmes donc ont été bloqués par d'autres gilets jaunes. Eux-mêmes bloqués par d'autres routiers. Ça n'a plus de fin. C'est ça. Arrêtez vos conneries, vous allez mourir sur la route là, à force de bloquer tout le monde. Tout le monde se bloque. C'est pas possible. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ferait plaisir à tout le monde de gagner 50 euros. Vas-y. Eh bien, si vous voulez arrondir vos fins de mois en gagnant 50 euros, j'ai la solution. Mais ça risque de pas vous plaire. Mais c'est 50 euros. Manu. Allez, vas-y. Le centre de recherche clinique de l'Est parisien, de l'hôpital Saint-Antoine, vient de lancer un appel aux dons. Aux dons de quoi? Aux dons de popo. Non. Si vous avez entre 18 et 49 ans, vous pouvez aller déposer votre popo. Vous serez payé 50 euros par don. Mais il faut faire sur place ou tu mets dans un doggy bag? Alors, a priori, vous pouvez le déposer. C'est-à-dire que tu le fais, t'arrives avec ton petit Tupperware à l'accueil. C'est pour le don, vous voulez checker? C'est compliqué. Ah ouais. 50 euros c'est cool, mais c'est vrai que ça n'a pas la même saveur quoi. Si tu fais un cadeau à ta femme après avec ça et que tu lui dis, tu sais comment j'ai eu 50 euros? C'est pas ouf. Puis ça envoie pas un message, c'est vraiment c'est de la merde quoi. Écoutez, 50 euros, pourquoi pas? 6h37, l'important c'est que vous ne nous le disiez pas si vous le faites. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes sur Énergie. Do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. bitches. Soyez les bienvenus sur Énergie, le nouveau Soprano arrive. Et avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Attention, 65% des gens n'en ont pas et ne comptent pas en avoir. Voilà. D'après vous, de quoi il s'agit? Oui, je sais, c'est très très large. Hein, comme ouais. Mais ça va se réduire au fur et à mesure. Je vais commencer avec un micro-ondes. Alors non, c'est pas un micro-ondes. Ça a un rapport avec un réseau social ou pas du tout? Parce que je rappelle, écoutez bien, 65% n'en ont pas. 65% des gens ont un micro-ondes. Ah, 65% des gens n'en ont pas et ne comptent pas en avoir. Aucun rapport avec Internet du coup? Aucun rapport avec Internet. Okay. Un animal de compagnie? C'est pas ça. Ils n'ont pas d'économie? Non. Ah. On en a un dans le studio ou pas? Alors franchement, en général, quand on a un, les autres le savent pas. Enfin, on le sent, quand on le sait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ah ouais. Oula. C'est un objet ou c'est un... C'est pas un objet. Quand tu dis s'est passé quelque chose, c'est un accident? Il peut, oui. Oula, oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Attends, une assurance vie ou un truc comme ça, non? Ouais. Ah, on se rapproche du truc. On se rapproche. 65% des gens n'en ont pas et ne comptent pas en avoir de testament. Ah. Ah ouais. Ah. Et on le sait quand on t'appelle. Dites donc que vous avez un tonton là. Et il vous a légué quelque chose. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu angoissant, je pense, de le faire quoi. Carrément. C'est que tu sais jamais quand le faire, tu sais pas si ce que va te réserver. Mais surtout, t'as pas envie de le faire quoi. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas envie, on me parlait pas de la mort quoi. Faut la paix tranquillement. Laissez-moi. Puis tu peux vexer des gens quoi. Ouais. Tu dis, je donne 90% à ma fille et 10% à mon fils. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est pas gentil ça. Voilà, c'est pas très sympa. Et quand c'est tes proches qui te poussent à faire le testament, c'est que ça pue. Quand c'est ton petit-fils qui habite à Lille et qui te dit à toi, grand-père, qui est dans le sud de la France, tu devrais faire un testament. Ah non. Je t'aime beaucoup, hein, tu sais. Ouais, avec une boîte de chocolat. Et t'as une très très belle maison. Hein. Là, effectivement, c'est suspicieux. Ouais. Un homme sur cinq a déjà offert ça à sa partenaire en cadeau d'anniversaire. D'après vous, de quoi il s'agit? Une fleur? Non, c'est pas ça. De l'argent? C'est pas de l'argent. Un petit animal de compagnie? Non. Un savon? Un savon non plus. Un strip-teaser? Non, mais on se rapproche. On se rapproche de l'envers. Poser des questions. Bah, un sextoy, non? C'est ça? Ah bah, poser plus de questions, c'est ça. C'est l'univers, oui. Un homme sur cinq a déjà offert à sa partenaire un sextoy. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est le message, j'abandonne. Ah ouais? J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà de quoi t'aider. Ouais. Non, mais peut-être qu'il part beaucoup en vacances. Oui, c'est ça. Ouais. Papa est en voyage d'affaires. Et tiens, pendant que je suis pas là, bah voilà le canard. Ouais. Et y a pas, tiens, j'ai une valise complète en fait. 68% des gens ne supportent pas quand un invité fait ça chez eux. 68% des gens ne le supportent pas. Quand il enlève pas ses chaussures? Non, c'est pas ça. Quelqu'un qui parle la bouche pleine? Non plus. C'est lié au ménage et à la propreté ou pas du tout? Non, rien à voir avec le ménage et la propreté. Ah. 68% des gens ne supportent pas quand un invité le fait chez eux. Il le fait dans une pièce particulière? Oui, c'est dans une pièce particulière. La cuisine? Ah ouais. Oui, la cuisine. Ah, il fouille? Il fouille pas. Ah, il sert dans le frigo? Exactement. Ouvrir le frigo pour se servir. Ah ouais, 68% des gens ne supportent pas quand quelqu'un le fait chez eux. Bah, tu la base, c'est de demander et aussi de pas le faire du coup. C'est normalement, moi, quand j'ai un pote qui vient, j'essaye de sortir un maximum, quoi. Tu vois, si le mec se sert dans le frigo. Ouais, mais enfin, arrête de sortir les crackers, on sait que t'as autre chose. Hein. Ouais, maintenant, le truc, c'est un bon sujet. Qu'est-ce que vous ne supportez pas que quelqu'un fasse chez vous? Même un ami, même un très bon ami, s'il le fait, ça va vous tendre. Ah, oui. 0870 42 48. Parlons des choses que les autres font chez eux. Un glandu! Ouais. Quoi? 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler. Qu'est-ce que vous ne supportez pas qu'un invité fasse chez vous? Vous prend téléphone juste après Soprano sur Énergie. C'est le nouveau. Bon réveil. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sans ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, danse, danse, à la vie, à l'amour. Bienvenue sur Énergie. Dans un peu plus de 15 minutes, à 7h05, on va doubler votre salaire. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct. Je vous rappelle que c'est simple. Pour qu'on vous appelle, pour qu'on vous double votre salaire, il suffit de vous inscrire. Ouais. C'est gratuit. Vous allez sur énergie.fr ou malidans69.com. Les Maroon 5 arrivent dans 2 minutes. Mais avant ça, on avoue ce qu'on ne supporte pas qu'un invité fasse chez nous. Je vous rappelle ce sondage. 68% des gens ne supportent pas quand un invité ouvre le frigo chez eux. Qu'est-ce que vous ne supportez pas que quelqu'un fasse chez vous, Nico? Moi, je l'assume totalement, c'est quand quelqu'un ne prend pas la petite assiette qui est dédiée à ne pas faire de miettes quand on fait un apéritif. Ça m'énerve. Oh là là. Je mets des petites assiettes. J'achète des petites assiettes. Sur la table basse? Sur la table basse pour que les mecs se servent et tout, chez moi, quand ils viennent chez moi. Je vais pas prendre une assiette pour prendre un tuc. Mais tu fais des miettes à un moment donné. Et tu fais genre, en plus, tu les as pas vues, quoi. Et après, quand on accuse, c'est pas moi. Mais c'est ta place. Pour le coup, c'est vrai que quand t'es sur la table basse, que tu manges des petits trucs et qu'il y a un truc qui tombe par terre, c'est vrai que tu le ramasses pas tout le temps. Eh ouais, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a une petite assiette prévue à cet effet. Non. Mais Nico, quand il fait un apéro, en fait, il fait un dîner presque parfait. Il se colle énormément de pression. Qu'on aille voter aux toilettes alors. C'est nul. Je t'inviterai plus dans ce cas-là. Attends. Si tu veux juste des chips et une bière, va dans un bar. Oh, j'aime bien. Qu'est-ce que vous ne supportez pas que quelqu'un fasse chez vous? On a Marine au téléphone. Bonjour Marine. Bonjour Mamie, bonjour les mamans. Salut. Qu'est-ce que tu ne supportes pas que quelqu'un fasse chez toi? Moi, je ne supporte pas quand quelqu'un arrive chez moi qui se pose sur le canapé sans que je lui ai proposé. Ah, mais si par exemple quelqu'un arrive chez toi et que tu lui proposes pas parce que t'oublies, il reste debout toute la soirée? Ouais. Non, je vais forcément lui proposer un moment. Hein, d'accord. Et est-ce que c'est valable aussi pour les toilettes? Est-ce qu'il doit rester debout aux toilettes en attendant que tu lui dises de se poser sur la lunette des toilettes? Non, ça c'est bon ça. D'accord, ok, ça va. Alors on viendra chez toi. Ouais. Merci de nous avoir appelé Marine. Qu'est-ce que vous ne supportez pas que quelqu'un fasse chez vous? Ah, au glandu, je sais. Ah, vous le savez. Ah oui, mais t'es chiant, c'est compliqué. Bah, je suis pas chiant. Mais non, c'est normal, moi je supporte pas que quelqu'un fasse la grosse commission chez moi. Oh là là. Ah, honnêtement, je trouve ça un manque de respect. Et on prend ses précautions quand on va chez quelqu'un. On prend ses précautions, mais si on reste 4 heures chez toi? Eh bah, tu te retiens, tu peux te retenir. Oh, sinon, là là. Mais Glandu, tu passes jamais à l'improviste chez lui, quoi. Faut vraiment que tu te prépares psychologiquement avant, te dire est-ce que vraiment je suis bien dans mon corps? T'es pas une machine non plus à produire, quoi. Tu peux attendre. Mais ça peut arriver. Tu te mets une pression, tu te rends pas compte. Bah, sinon, il y a un McDo à 10 minutes, tu y vas. Oh, c'est quoi, la prochaine fois que tu nous invites chez toi, sans rien te dire, on n'y va pas, on va au McDo. Okay, et tu nous appelleras, tu lui ramènes, vous êtes où? On dira, on est aux toilettes. Je préfère ça. Julie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Qu'est-ce que tu ne supportes pas que quelqu'un, un invité, fasse chez toi? Alors moi, je ne supporte pas qu'on rentre dans ma chambre. C'est mon espace privé. Mais est-ce que tu l'as fait voir de temps en temps à des gens ou pas du tout? Ah bah, à mon mari. C'est une bonne idée, Julie, de faire la chambre à ton mari. Le problème de ce truc-là, c'est que ça cultive le secret, quoi. Moi, quelqu'un qui n'ouvre jamais la porte de sa chambre, tu dis, il doit y avoir un truc incroyable. Ouais. Et t'as envie d'y aller. Mais carrément, et dès qu'elle est à la cuisine, Julie, tu fais, eh bien, allez, hop. Hey, toi, tu te postes là. Dès que tu la vois sortir de la cuisine, tu siffles. Ça voudra dire que c'est un signe et qu'elle est là. Et moi, je sortirai immédiatement de la chambre. Putain, il est bien ce nouveau Mission Impossible. Mission Impossible, la chambre de Julie. Merci de nous avoir appelé, Julie. Gros bisous. Bisous. 6h50, les Maroon 5 sur Energy. Dans 15 minutes à 7h05, on double votre salaire. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. Yeah, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Bienvenue sur Énergie, on va s'écouter Kaiser Panda, ça arrive, et à 7h05, on double votre salaire. Avant ça, tout le monde est allé déjà dans un supermarché, tout le monde est allé à une caisse de supermarché. Oh oui. Oui, oui, oui. J'ai trouvé une liste de choses que les caissières de supermarché voudraient que nous, les clients, on fasse. Ah ouais. Okay. Genre les règles du client à la caisse. D'accord. Écoutez bien. Arrêtez de faire la blague, c'est gratuit quand un article ne passe pas. Oh, oh là, c'est lourd, c'est vrai. Ah. Ouais, oui, mais on l'a tous fait. Hein. C'est souvent les papas qui font ça. Ouais, aussi. C'est ça. Ouais. Oh, j'imagine que c'est gratuit alors. Ah. 8 fois que je l'entends aujourd'hui. Ensuite, les caissières voudraient aussi qu'on laisse au client devant nous le temps de ranger. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un met les affaires, tout de suite on se précipite pour remettre juste derrière les choses. Ouais. Il faut qu'on laisse le temps quand même. Mais c'est tellement stressant. Moi, tu vois, je fais des énormes courses pour toute la famille. Il y a tout le temps quelqu'un derrière avec un petit machin qui te pousse, qui te pousse. C'est vrai que c'est pas cool. C'est pas cool. Ok, d'accord, le message est passé. Après, celles, des fois, elles mettent les affaires dans celles des autres, tout se mélange. Il faut faire le tri avec les affaires du client d'avant. Mmh. Vous avez jamais eu ça? C'est qui le plus sympa, le client d'avant ou le client d'après? C'est une bonne question. Mais nous sommes tous le client d'après de quelqu'un. Eh oui. Ah, oh, Seigneur, j'aurais écrit un sketch là-dessus. Le client d'avant, le client d'après, le client d'avant, le client d'après. Oh, on sait plus ce qui se passe en ce monde. Idée de sketch abandonné. Les caissières voudraient aussi qu'on fasse des choses. Par exemple, sortir les surgelés quand on en a et ne pas les laisser dans le sac isotherme.

En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or ? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250€ carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25€ d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions ! Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Salut, c'est Alex Good, fan de pop culture et de jeux vidéo. Faites comme moi, foncez chez Micromania Zing pour la semaine du Black Friday. C'est complètement dingue. Avec par exemple des super promos sur FIFA 19, Spider-Man et Assassin's Creed Odyssey. 100€ de remise sur le casque PSVR et des manettes DualShock 4 à 39,99€. Et côté figurines Funko Pop, si vous achetez deux figurines de vos licences préférées comme les Animaux Fantastiques, Fortnite ou DBZ, une troisième est offerte. Micromania Zing, libérons le pouvoir de l'imagination. Par condition magasin sur micromania.fr. Pour le Black Friday, But vous offre 50€ en bon d'achat à partir de 200€ d'achat sur tout le magasin et même sur les produits en promo. En ce moment chez But, c'est le Black Friday. 50€ en bon d'achat offert des 200€ d'achat. Voir condition en magasin. Black Friday, vendredi noir. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là ! On en voit déjà un ! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque ! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets ! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions. L'instant Tarty. Hey, salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Oh bah super ! Comme un Black Friday ! Dès 17h, c'est le Black Friday dans les magasins d'Arty. Soyez les premiers à découvrir nos offres exclusives sur les plus grandes marques. Liste des magasins participants sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01. On va doubler votre salaire dans 4 minutes juste après les infos et on va s'écouter Kaiser Panda. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est froid encore ce matin, mais moins qu'hier. Quasiment pas de gelée dans la moitié nord en ce moment. On est quand même autour de zéro un petit peu partout, avec aussi pas mal de brouillard, soyez prudents. Côté ciel, les éclaircies vont dominer sur l'ensemble de la France. Le sud-est retrouvera un temps sec, grand soleil pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et quelques gouttes quand même de la Bretagne à l'Île-de-France. Au meilleur de la journée, le fera 7 à Sedan, 8 degrés au Mans, comptez 16 pour Toulon. Des débuts encourageants, l'entrée en vigueur du paquet neutre a permis de détourner de nombreux ados français de la cigarette. Selon le bilan dévoilé ce matin, le nombre de jeunes de moins de 18 ans qui essaient la clope est en baisse. Ils sont 5% à avoir testé contre 25% il y a seulement 3 ans. C'est promis, les frais d'inscription à la fac n'augmenteront pas l'an prochain. Le gouvernement l'a confirmé hier devant les députés. Pourtant, la Cour des comptes poussait assez fort pour une nette hausse des droits. On est à 170€ par exemple pour une entrée en licence en ce moment, 243 pour un master, très loin donc derrière l'Italie, les Pays-Bas ou encore les États-Unis. Aux USA, il faut débourser 9700€ pour des études supérieures publiques. La loi des séries, les bugs s'enchaînent en ce moment pour les géants du net. Après Instagram, Amazon vient de connaître aussi une grosse faille de sécurité. Des noms, des adresses, des emails de certains clients ont été divulgués par erreur sur le site de e-commerce. Des fuites d'ailleurs confirmées aux États-Unis, mais aussi en Europe. Aucun mot de passe n'a été volé en tout cas. Si vous êtes concerné, vous avez forcément reçu un mail. Du hand féminin au programme des prochaines semaines, la France accueille l'Euro du 29 novembre au 16 décembre. Les bleus championnes du monde tenteront de décrocher le titre continental devant leur public. Il reste des places dont la plupart à moins de 8€. 5 villes hautes, Paris, Brest, Montbéliard, Nancy ou Nantes. Vous pouvez vérifier les dispos sur le site officiel de la compétition ehfeuro.com. On passe au tennis avec la Coupe Davis. La grande finale aura lieu à partir de demain du côté de Lille. 3 jours de compétition entre la France et la Croatie. Les Bleus défendent leur titre. Joe Wilfried Tsonga s'est entraîné normalement hier après avoir ressenti une petite gêne au bras droit. Il devrait donc postuler demain. Quelques millions de dollars en poche, 83 millions exactement, la somme qu'a touché Katy Perry cette année. Avec sa tournée mondiale et son rôle de juré dans la version américaine de La Nouvelle Star, elle devient la chanteuse la mieux payée en 2018, selon le classement établi par le magazine Forbes. Taylor Swift est deuxième, Queen Bee, Beyoncé, plus sirène que ça. En tête l'an passé, elle tombe à la troisième place avec tout de même 60 millions de dollars. Une date à retenir maintenant, le 5 juillet 2019, Muse vient d'annoncer un deuxième concert au Stade de France sur sa tournée mondiale. Le premier prévu le lendemain est déjà complet. Ouverture de la billetterie ce matin à 10h pour les fans du groupe anglais. 7h04, c'est la fin de ce flash. On est le jeudi 22 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée avec Manu dans 6-9 sur Énergie. On se retrouve dans une toute petite demi-heure pour le prochain point complet sur l'actu. Bonne journée. Il est 7h05, tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est quand même nous, hein, donc. Donc tout va bien, mais on vous le garantit pas. Ouais, c'est ça. C'est Manu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin. On va s'écouter Kaiser Panda, il y aura aussi le dernier Georges Ezra et on va doubler votre salaire dans quelques secondes. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute un message. Ouais. Quelqu'un de l'équipe peut-être venir en aide à une personne. Je vous rappelle qu'on a une application, l'application Manu dans le 6-9. Elle vous permet entre autres de nous envoyer des messages vocaux qu'on écoute pendant l'émission. Ouais. Écoutez, on vient d'en recevoir un, c'est un appel d'urgence. Bonjour les Wawin, juste pour un conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'aider à gagner au loto foot? Merci les Wawin, bonne journée. Alors non, et si on savait comment gagner, je t'assure, on l'aurait déjà fait. Ouais. Voilà, 7h05, on a autre chose, on peut doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Attention, c'est parti, je vais appeler Miguel. Il habite Condé-sur-Risle, c'est dans l'Eure, il a 36 ans et il touche 1778 € chaque mois. Et Miguel, il s'est inscrit sur énergie.fr. Et Miguel, il a eu raison. Parce que Miguel, aujourd'hui, je t'appelle. Et Miguel, ça lui décroche, ça va bien se passer. Ouh, ça y est. Ouais. C'est Miguel ? Oui, allô ? Miguel de Condé-sur-Risle ? Oui. Eh ben bonjour, Miguel. Bonjour. Oui, c'est qui ? Oh, c'est qui là les questions? C'est moi qui pose les questions, d'accord? D'accord. T'étais où hier soir, Miguel? Chez moi. Ouais, et avant? Ouais, j'étais avec ma femme. Ouais, ouais, comme par hasard. Voilà. T'es pas passé au bar avant, Miguel? Non. Ouais, bien sûr. La réunion s'est terminée tard. On les connaît, les gens comme toi, Miguel. Quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire? Manu sur Énergie. Eh ben oui, Miguel. Et voilà, c'est fait. Non. Bah c'est si. Vrai, ça y est. Bah oui, c'est fait. Ça y est. Tu t'es inscrit. Ouais, ok, ouais. Je suis tout ému. Eh ben oui, mais je vois ça, il en vient plus là, Miguel. Hein. Eh ben oui, ça y est, ça t'arrive. Ton salaire, c'est 1778 €. On va le doubler, ça va faire 3 556 € pour toi. Bim. Bah merci. Bah je t'en prie. Miguel est poli, il est ému, mais il s'est resté poli. Bah oui, toujours. Tu es formateur en secourisme. Oui, c'est ça. Oh, ouais, c'est pratique de t'avoir avec nous tout le temps. Si quelqu'un se sent pas bien, bof, t'as toujours un petit sucre sur toi. Ouais, non. Ah non. Mais alors, t'es secouriste ou alors tu formes les gens? Qu'est-ce que tu fais exactement? Non, je fais les deux, moi. Je suis secouriste, puisque je suis pompier volontaire à côté. Et sinon, je suis aussi formateur, donc je vais dans les écoles, dans les entreprises, faire des formations. Pour apprendre les premiers secours. Voilà, pour apprendre les premiers secours. Pour savoir, parce que maintenant, dans toutes les entreprises, il y a le défibrillateur. Ouais. Sauf que, il faut savoir s'en servir, ce truc. Hein. Parce que pour moi, ça va faire passer le truc, donc je sais pas. Et heureusement, il y a des gens comme toi qui viennent nous apprendre comment faire. Ouais. Et Miguel, c'est vrai qu'il faut pas taper dans le dos quand quelqu'un s'étouffe? Alors, ça dépend en fait si c'est partiel ou total. En fait, s'il y a du bruit, tout ça, normalement, on ne doit pas taper dans le dos. Ouais. Par contre, s'il n'y a pas du tout de son, oui, là, il va falloir y donner des claques dans le dos au nombre son. De 5. Ah. Ouais. Pas de son, c'est-à-dire? De son, de bruit, en fait, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de. Ah. Il ne peut pas parler et tout ça. Ah. Faut taper, en fait, dans ce cas-là. Voilà, s'il n'y a aucun son, il faut taper. D'accord. Je vais vous apprendre un truc. Vas-y. Et là, tu dois le connaître, Miguel. La manœuvre de Heimlich. Ah, oui. Ah, vous savez pas ce que c'est? Bah non. Eh ben j'avais appris ça. Ben allez dans Wikipédia, tapez manœuvre de Heimlich, vous verrez. Ouais. C'est c'est un mec qui s'appelait Heimlich qui a appris la façon quand quelqu'un s'étouffe pour sauver quelqu'un qui s'étouffe. D'accord. Il faut le serrer très fort sous les côtes et le soulever, je crois, et ça fait ressortir l'aliment. Le truc qui bloque, c'est ça, Miguel? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu pourras venir faire des cours avec moi alors maintenant. Et ce qui est drôle, c'est que le mec qui a inventé ça, Heimlich, il s'en est jamais servi de sa vie jusqu'à l'âge de 96 ans, il a sauvé la vie de quelqu'un avec. Ah, c'est génial. C'est trop bien. Et voilà, demain les enfants, je vais vous raconter une autre histoire de MDJ. Merci tonton Manu. Voilà, en revanche, je ne sais pas mettre un sparadrap. Miguel, on te double ton salaire, 3 556 €, ça arrive très vite pour toi, bravo. Bah merci encore à vous, et vous êtes vraiment une équipe en or. Oh, tu pouvais t'arrêter à une équipe. Et vous êtes vraiment une équipe, hein. Oui. Merci et bravo à toi, Miguel. Ça peut vous arriver aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com à 8h05 pour la deuxième fois de la matinée. C'est peut-être vous qu'on appellera pour doubler votre salaire. Bienvenue. Esta ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La gente me echa, Bogotá para un real y Bogotá para danzar. No llego todos a el papi pura, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate le tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami no quiere. Sé que prefiere, mami tu huevo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente todo quiere fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi Pipura, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con las manos para arriba, yeah. Siente el ritmo, mamita, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Que lo que. 1, 2, 3, go. Que lo que. La Hindi Mashup. 7h13. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Georges Ezra, il y aura aussi Nadjou et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est nous qui l'avons. Et Georges va appeler quelqu'un pour lui dire que chez lui, c'est dégueulasse. Oh là là. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Bah non. Avant chat, Paulette, tu as un chat. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute bien. Selon une étude française, j'ai une liste de choses. Si le maître d'achat les fait toutes, c'est qu'il a des tendances psychopathes. Oh. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Réponds honnêtement. Oui, je coche. Est-ce que tu dors avec ton chat? Oui. Oh bah yon. Psychopathe du coup. Attends, il y a la liste qui est longue. Est-ce que tu préfères ton chat à ton partenaire? Bah là, en ce moment, non, parce que j'ai pas de partenaire, mais en général, ils sont kiff. Ah ouais. Avoue que quand le chat dort dans le lit, tu nous avais déjà dit que ton mec. Bah, je préfère que ce soit elle, c'est plus doux. C'est bon. Est-ce que tu as toujours peur pour lui? Tout le temps. Je rappelle que si tout est coché, le maître d'un chat est un psychopathe. Ouais. Et elle a aucun scrupule à dire oui à chaque fois. Ouais. Bah, je dis la vérité. Écoute. On continue. Est-ce que tu l'appelles mon bébé? Oui. Oh non, mais ça aussi. Ça est-ce que tu as déjà songé à mettre ton chat sur ton héritage? Songé. Non, j'y ai jamais peur. Mais je pense pas trop héritage, hein, j'ai rien. Oui, mais imagine. Si tu lui es parti et que le laisser. Bah, je lui laisserai un petit pécule, oui. Ah. Est-ce que tu lui pardonnes ses crises? Oui. Je rappelle que si elle dit oui à chaque fois à tout, c'est que c'est une psychopathe. Hey. Est-ce que tu lui parles tout le temps? Tout le temps. Oh. Bah, elle répond aussi. Hein. Est-ce que quand il dit miaou, toi tu entends maman? Bah, évidemment. Maman. Est-ce que tu racontes ses exploits aux amis? Ça, je peux répondre. Voilà. Est-ce que tu as déjà hésité à cocher la case un enfant sur les formulaires administratifs? Bah, évidemment, je la considère comme un enfant poilu. Oh, attention, il en reste une. Si tu dis oui à la prochaine, ça veut dire que tu es clairement une psychopathe. Ah. Est-ce que tu lui as déjà torché les fesses? Bah oui, parce qu'elle avait... Bon, je vous raconte. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, l'avantage, c'est qu'on savait déjà que tu étais une psychopathe. Mais maintenant, on en est sûr et le monde entier ne pourra pas dire on ne savait pas. Mais j'ai jamais de mauvaises pensées envers vous, hein, je vous jure. Ouais, mais la dernière phrase, quand même, là, on savait effectivement que tu étais une psychopathe de base. Faire ça à son chat, c'est quand même pas normal. Hein. Allez, on s'en va. Mais on s'en va vraiment. On se barre. On revient dans 3 minutes avec Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France et qui va appeler quelqu'un pour lui dire que chez lui, eh ben, c'est sale. Manu dans le 6-9. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Ducky, ducky, ducky, ducky, rumba. Energy. It's music only. Tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Manu et moi, on est pareil. On est très jeunes, très très beaux, très musclés et très mythos. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est pas juste que très mytho en fait. On en est où du laser game au fait avec Koé? Pascal, je crois, on leur a proposé des dates. Bah, oh. Ils se précisent pas qu'on aurait. Excuse-moi, on a défié l'équipe de Koé au laser game. Faut qu'on refasse, faut qu'on bloque la date là, faut qu'on y aille. Ouais, semaine du 3 normalement. Ok, on commence à se chauffer avec Koé là sur Instagram, un peu à la Booba et Caris, donc attention. Hein. Ah ouais, on s'en va les trucs là. Non, mais c'est vrai qu'apparemment ils répondent pas sur la date quoi, je pense qu'ils ont la frousse. Ils ont peur, ouais. Mais ça, c'est Koé, c'est le plus grand dégonflé du monde. Ah ouais, ça se voit pas physiquement, mais c'est un vrai dégonflé. Mais hier, je suis allé dans leur bureau, ils m'ont dit attention, on est très premier degré. Oh, donc j'ai dit nous aussi. Oh. C'est à quoi j'ai répondu nous aussi. Ah, donc ça peut fonctionner. Tu sais, ils ont la trouille tous. Ouais, bien sûr, même Koé, il paraît qu'il a, il veut changer de nationalité. Il a peur, il veut partir, il veut s'échapper au Mexique. Carrément. Je t'attends pour le laser game. Wow. Tout ça sera filmé évidemment, comme ça il y aura des preuves. Hein. Ouais. Sauf si on perd. Bien sûr. L'appel automatique de Georges tout de suite. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour aujourd'hui pour appeler quelqu'un et lui dire que chez lui c'est sale, que c'est très sale. Ouais. Et forcément, ça énerve. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui ? Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir ? Vous devriez faire plus souvent votre ménage. Ben, bien sûr, vous avez raison, madame. Je fais le ménage tous les deux jours chez moi. Nous avons analysé votre domicile, l'odeur qui en ressort, le putois, le chamois, l'étable, le rat musqué, la cage de hamster, le camion vidangeur. Ouais, bah surtout qu'il n'y a personne qui est venu faire d'analyse ni quoi que ce soit, donc il n'y a personne qui est venu prendre de photos chez moi. Nous sommes là pour vous aider. Ma maison est propre, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de conseils. Merci, au revoir. Après analyse d'odeur, nous avons identifié votre lieu d'habitation. Et alors ça aboutit à quoi votre... Vous savez où est-ce que j'habite ? Vous habitez dans une litière. Non. Au revoir. Oh, mais ça se trouve, c'était vrai en plus. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Et vous les retrouvez aussi en podcast manudansle69.com et l'application manudansle69, tous les podcasts de Georges. À propos de Georges, on enchaîne avec Georges Ezra. Édition spéciale Georges. C'est génial. Juste après, nous allons ouvrir, parce que ça fait longtemps, la hotline qui ne sert à rien. Vous nous appelez au 0870 42 48. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9 ou des messages sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Le principe de la hotline qui sert à rien est simple. Vous nous appelez, vous nous parlez de votre problème et si on ne peut pas le résoudre, eh ben c'est banco. Vous nous appelez, la hotline qui ne sert à rien, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. Deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. 7h24, bienvenue sur Énergie. On va écouter les derniers Offenbach, c'est Paradise. Et dans un petit quart d'heure, on va vous offrir la console de jeu de votre choix. Ouais. La console de jeu de vos rêves. On va jouer au jeu des 5 mots. Mais avant ça, c'est parti pour la hotline qui sert à rien. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. C'est parti, vous avez un problème, on ne pourra pas le résoudre. Et ben c'est le principe de la hotline qui sert à rien. Attention, c'est parti. Yes. Laetitia, bonjour. Salut Manu. Quel est ton souci? Eh ben moi j'ai oublié d'inscrire mon fils au centre aéré. Elle a oublié d'inscrire son fils au centre aéré, on ne peut rien y faire. Mélanie, bonjour. Je suis dans les bouchons. Ah bah alors ça vraiment pour le coup, vraiment on ne peut rien y faire. Ah ouais. C'est le principe de la hotline qui ne sert à rien. Nico? Ma belle-mère est de retour chez moi ce week-end. Ah mais ça, il fallait pas te marier. Théo, bonjour. Bonjour, et ben moi je suis allergique aux oignons. Mange des carottes. Isabelle. J'ai plus d'après-shampoing. Ah, alors ouais. En plus j'en ai rien à foutre. Alors ça vraiment c'est la hotline qui sert à rien. Ouais. Mathilde, bonjour. J'ai cassé 2 verres et 4 assiettes ce matin. Il y a un moment, peut-être que t'es pas doué pour la vie. Je ne sais pas quoi te dire, Mathilde. Je ne sers à rien dans ce cas-là, ça marche. Paulette. Mes yeux sont de moins en moins bleus, je trouve. Hein? Ok. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Non, d'accord. Benjamin, bonjour. Moi, la coiffeuse m'a coupé beaucoup trop court. Ah, c'est un problème, hein. Ouais. Et bah, tu les recolles. C'est la hotline qui sert à rien. Glandu. Mon prénom Valentin, ça rime avec crétin. Ah oui, mais Glandu, ça rime avec cul, donc tu vois. C'est vrai. Ouais, tu n'en tiens pas si mal que ça. Ouais. Mélodie, bonjour. Et bah, moi, j'aime pas le kaki, la couleur. Ah, ouais. C'est un problème, si t'es dans l'armée, c'est compliqué, par exemple. Ouais, c'est moche. La hotline qui sert à rien, Paulette. Je ris toujours en décalé. Des autres après une blague. Je sais, ça nous fatigue. La hotline qui sert à rien, vous avez un problème, on ne peut rien y faire. Laura, bonjour. J'ai une poussière dans l'œil. Ah ouais, ça c'est chiant. Hein. Ouais. C'est chiant, hein. C'est chiant. Ouais, je sais. Annabelle, bonjour. Ma bringuette ne remonte plus. Ah, et ben ça, on termine là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Bonne journée à toi. Salut. 7h26, Offenbach avec Paradise, ça arrive. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, on revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Sur Énergie, votre radio préférée. Vos hits préférés, ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, tonight, daki daki, daki daki rumba. Hit music only. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économie à l'achat sur la gamme hybride et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin, faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, bougez plus.

ailleurs. À l'heure actuelle, il faut débourser 243 euros pour un master contre 10 000 aux États-Unis dans le public. Un incontournable, notre bonne vieille télé reste toujours aussi populaire. Selon l'étude du CSA publiée hier, 94% des familles françaises ont un téléviseur à la maison. En revanche, quand on vit seul, plus on est jeune et en ville, moins on a tendance à s'équiper. Côté habitude, le boom de la VOD se confirme. D'ailleurs, les écrans en parlent aujourd'hui et surtout demain avec le Black Friday. Ce seront l'une des stars, ce seront les stars de ce vendredi. C'est le moment de réaliser en tout cas de bonnes affaires, jusqu'à 20% de réduction annoncée pour l'occasion cette semaine. Et selon une étude ce matin, les plus gros rabais affichés sont au rayon enceinte connectée et jeux PS4. Un petit bout de France en plein chaos, la révolte des gilets jaunes est devenue incontrôlable à La Réunion. Des groupes de casseurs volent et pillent de nombreux magasins de l'île en marge de blocage, à tel point qu'un couvre-feu a été instauré hier dans plusieurs villes avec des premiers effets positifs apparemment. La nuit a été un peu plus calme que depuis le début de la semaine. Un nouveau départ, M6 Solar a repris la route avec énergie pour sa grande tournée partout en France. Ce soir, c'est à l'Accor Hotel Arena de Paris qu'il fait le show. Après 10 ans de break, le rappeur doit apprivoiser à nouveau la scène et le public, mais les vieux réflexes sont bien là, écoutez. Quand on dit que le vélo ne s'oublie pas, je crois que l'art de se mouvoir sur scène, ça ne s'oublie pas non plus. Maintenant, ça ne s'oublie pas, mais pour être professionnel du vélo, il faut quand même travailler. J'ai travaillé. J'ai vu des réactions très très bizarres en termes de génération sur Victime de la Mode. Tout ça parce que la jeune chanteuse Angèle, elle a chanté pendant ses tournées et donc ça a touché des gens que je n'imaginais pas. Donc cela, ça a fait un truc transgénérationnel. Oh, j'ai eu des surprises. Je chantais quelquefois des chansons. Alors, qui sème le vent récolte le tempo. Et les gens, ils sont mis à chanter le refrain. C'était super. Je me suis dit, ah cool. Voilà, c'est cool pour M6 Solar, donc interview signée Morgane Derrien. M6 Solar a retrouvé un peu partout en France, en tournée ce soir à l'Accor Hotel Arena de Paris. Il sera aussi à Rennes, à Nantes ou encore à Orléans dans les prochaines semaines. 7h35, c'est la fin de ce flash jeudi 22 novembre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie avec Manu dans le 6-9. Très bonne journée. Bonjour. Le nouveau Funback arrive pour vous dans 3 minutes, c'est Paradise et juste après, on vous offre la console de jeu de votre choix. Oui. Celle dont vous rêvez, celle que vous voudriez bien pouvoir vous acheter, mais c'est compliqué, et bien on vous l'offre. Ouais. N'importe laquelle, vous nous donnez le nom, on vous la envoie. 0870 42 48, vous nous appelez maintenant, on joue au jeu des 5 mots, c'est dans 5 minutes. Avant ça... On est jeudi aujourd'hui, c'est le moment du petit train des questions. Ah ouais. Un petit train dans lequel il n'y a pas de passagers. Le seul passager, c'est vous. Oh, c'est beau. Oh, ça fait film d'horreur. Dans ce train, trois questions. Vous rentrez dans ce train et vous pouvez y répondre. Attention, on vous laisse 10 minutes, le temps de nous appeler au 0870 42 48. Dès qu'il y a une question qui fait titre dans votre tête, eh ben vous y allez. Allez, première question. Quelle serait... le pire métier à faire tout nu. Oh. Ah, c'est bon ça. Réfléchissez bien. Ouais. Deuxième question. Quelle est votre opinion sur la Lune ? Sur la Lune. Sur la Lune. Ouais. C'est-à-dire ? Ah bah c'est-à-dire, quelle est votre opinion sur la Lune ? Ok, d'accord. Ok. Par exemple, mon opinion sur la Lune, c'est quand même incroyable qu'elle soit pile de la taille pour cacher le soleil pour les éclipses. C'est mon opinion sur la Lune. Ouais. C'est pas très scientifique, mais c'est une bonne opinion. Ah, ça, c'est pas scientifique du tout. Mais c'est la mienne. C'est même. Okay. Quelle est la vôtre ? Okay. Et enfin, dernière question du petit train des questions. Quelle est la plus grosse coïncidence à laquelle vous avez été témoin dans votre vie ? Ah ouais. C'est peut-être arrivé un truc incroyable. Vous dites, mais c'est pas possible que ça arrive. Eh bien, vous nous appelez. C'est le petit train des questions. 0870 42 48. Quel serait le pire métier à faire tout nu ? Quelle est votre opinion sur la Lune ? Et quelle est la plus grosse coïncidence à laquelle vous avez été témoin dans votre vie ? 0870 42 48. Le temps que vous nous appeliez, dans 10 minutes, on vous prend au téléphone. Au fun back tout de suite sur Energy. Butterflies. 7h39, bienvenue sur Énergie. Je vous annonce que dans 3 minutes, c'est la fête. On veut du Clodimus. Trois cafés gourmands arrivent pour vous, mais avant ça, on a un beau cadeau. Et c'est un beau cadeau puisque c'est vous qui allez le choisir. Camille, bonjour. Salut Manu, salut les wawas. Salut. Bienvenue sur Énergie, Camille. Quelle est la console de jeu de tes rêves? Ah, j'aimerais beaucoup la PS4 Pro. La PS4 Pro, elle est pour toi, peut-être dans quelques secondes, si tu gagnes au jeu des 5 mots. Attention, comme chaque matin, le principe est inchangé. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant du studio. Ce quelqu'un, c'est Isabelle. Oui, je suis trop contente. Super. Allez Isabelle. Je vais tout de suite. Prends-toi. Bah oui, c'est ça. C'est génial. C'est, alors, ce qui est drôle, c'est qu'avec Isabelle... Attends, reviens. Ah, non mais, c'est systématique. Oui. À chaque fois que c'est Isabelle qui sort... Je dis, Isabelle sort du studio et elle bouge pas. Elle fait, oui, ah cool. Ouais. Et elle bouge pas. Et il y a ce moment de flottement où tout le monde la regarde. Oui, et elle bouge pas. C'est ne la jugez pas, ça fait que 3 mois qu'elle est avec nous. Merci Nico, merci, non, ça m'a droit au cœur. Mais c'est quoi les soirées jeux de société avec Isabelle. Oh là là. Mais mon Dieu, mais l'enfer. C'est très drôle, vous savez, on pourrait rigoler. Hein, non, on va continuer à aller au resto, ça va être bien. Je vais sortir Manu. Oui, parce que là, du coup, il faut y aller. À tout de suite, Camille. Ok, attention. Allez, Isabelle sort du studio. Ça y est, c'est bon. Appréciation le moment. Oh, elle me manque. Elle est dehors, elle entend plus ce qui se passe. Camille, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Isabelle. Je fais pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben, c'est gagné à toi la PS4 Pro. Camille, t'es prêt? Ça marche, ok. Ok, c'est parti. C'est parti. Prêt. On joue au jeu des 5 mots. Vélo. Pédale. Coin. Coin. Coin, avec un C, un coin. Mur. Spécialité. Particularité. Météo. Temps. Réaction. Action. Ah, moi je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est bien. Attention, on fait revenir Isabelle. Il suffit d'un mot en commun. Mais non, mais on lui en fait un signe, elle vient pas. Ouais. Isabelle! Non, mais à un moment. Allez, Isabelle! Ouais! On est connecté, Isabelle! Mais oui, mais oui. Non, mais pour sa défense, il y a un petit hublot dans la porte, mais elle est trop petite. Oui, j'ai pas à travers vu, le hublot. Tu m'avais fait signe. Excusez-moi, je veux pas qu'on va pas en faire une grande discussion, mais à côté du hublot, là, c'est quoi là? C'est une fenêtre. Il y a une fenêtre, elle est à 50 cm de hauteur. Pourquoi, Isabelle, tu te mets derrière la porte avec un hublot plus haut que toi, alors que tu pourrais te mettre derrière la fenêtre, et là, tu vois quand on te fait signe de venir? Manu, c'est parce que je voulais pas te déconcentrer. Voilà, c'est pour ça. Je suis épuisé. Bon allez, je me concentre. Attention. Allez Isabelle, bon, je crois en toi. Merci. Pour Camille et sa PS4 Pro, on joue au jeu des 5 mots. Vélo. Sport. Ah. Camille avait dit pédale. Pédale. Ah oui, la pédale du vélo. Mince. Il reste 4 mots. Ok. Coin. Maison. Camille avait dit mur. Ouais. Ah. Allez. Spécialité. Culinaire. Il avait dit particularité. Alors pour te faire du bien, j'aurais dit culinaire aussi, mais on ne joue pas ensemble. Merci, ça fait du bien. C'est pas grave Isabelle, c'est pas grave, il y a encore deux mots. C'est gentil Camille. Quatrième mot. Météo. Temps. Oui. J'aurais pas mis un euro, ouais. Ah ben tu vois, mais c'est quoi mis sur moi, j'aurais même pas mis un jeton de caddie. merci beaucoup Isabelle. De rien, ça me fait plaisir. Le dernier mot, réaction. Action. C'est génial. On était connecté. Camille, bravo à toi, la PS4 Pro arrive très vite. Merci beaucoup et je vous écoute tous les matins. J'essaie de jouer tous les jours au jeu des 5 mots et je suis super content. Merci beaucoup. Eh ben écoute, merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Ça peut vous arriver vous aussi. Le jeu des 5 mots reviendra demain à la même heure et on vous offrira encore la console de jeu de vos rêves. 3 cafés gourmands tout de suite et juste après, c'est le petit train des questions. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.

Et alors attention, là c'est l'heure où les parents emmènent les enfants à l'école. Bah oui. Et vous pouvez vous dire, ah, est-ce que je suis une bonne maman? Ouais. Est-ce que je suis un bon papa? Alors la réponse est clairement oui. D'accord. J'ai les pires parents du monde. Oh là là. Je vous raconte leurs histoires, c'est dans même pas 10 minutes. Avant ça, chose importante, breaking news. Juste avant de doubler votre salaire, la mise à jour de l'application Manu dans le 6-9 est disponible pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait une mise à jour hier, et en fait, il y a eu un petit bug dessus où il y avait un problème de lecture sur les podcasts. D'abord, merci pour toutes les insultes. Oui. On en a eu. Disons, sur Internet, quand tu fais une erreur, t'es pendu. Hein. C'est chaud. Vous voyez les westerns quand on pend le mec et on n'est pas sûr qu'il soit coupable? Bah là, c'est pareil. Hein. Je sentais la corde autour du cou, mais heureusement, avant d'être pendu, on a réussi à tout rétablir. On vous a mis une nouvelle mise à jour de l'application. Ils ont travaillé toute la nuit. Hein. C'est fort. Autant vous dire que ça sent pas très bon dans le bureau. Mais... On veut pas le savoir. C'est important quand même de le dire. Ouais. Mais du coup, tout est réparé. Donc vous pouvez écouter les podcasts sur l'application Manu dans le 6-9. Il n'y a plus de problème. Super. C'est trop bien. Ouais. Maintenant, si vous trouvez d'autres bugs, vous pouvez y aller. La corde est toujours autour de mon cou. 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. Lise habite Gordes, c'est dans le Vaucluse. Elle touche chaque mois 1 400 euros et elle s'est inscrite sur Énergie.fr. Et elle a eu raison. Lise, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Décroche Allô téléphone. Allô, c'est Lise? Oui. Lise de Gordes dans le Vaucluse? Exactement. Oh, c'est pas ni oui ni non, hein, tu peux dire. Je pense que tu sais, hein. Mais j'espère. Et ça pourrait être qui d'autre? Qui t'appelle à 8h06 le matin? Je sais pas, personne. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Ouais. Comme tu dis, oh là là. C'est super, merci beaucoup. Je vais doubler ton salaire, Lise. 1 400 merci. Euros x 2, ça va faire 2 800 euros qui arrivent très vite pour toi. Merci beaucoup. Merci. Alors je suis intrigué par toi, Lise. Ah, dis-moi. Alors, je vois ton âge, tu as 19 ans. Oui. Et ton métier, guide au musée de la lavande. Oui. Guide de musée à 19 ans? Eh oui. Mais tu as déjà fait la vieillesse, tu l'as déjà fait avant, c'est ça? Oh. Mais c'est incroyable comment ça se fait. Bah, c'est comme ça, c'est un métier. Je me doute. Voilà. Mais, C'est original, c'est sympa. Voilà, ça me plaît. Ouais, mais tu voulais être guide de musée? Comment on devient guide de musée? C'est une vocation? Tu t'es dit quand t'étais petite, moi je serais policier, moi je serais vétérinaire et toi je serais guide de musée. Non, pas forcément. Mais voilà, c'est venu à moi et moi j'ai pris et voilà. Alors, tu guides au musée de la lavande? Oui. Waouh, il y a un musée entier sur la lavande? Oui, exactement. Il est grand? Non, pas trop. Hein? Et il y a autant de choses à voir et à raconter sur la lavande? Bah, en fait, c'est surtout sur la distillation de la lavande, parce qu'on en fait de l'huile essentielle. Le truc qui sent bon. Ah, exactement. Ah. Voilà. Et est-ce que, si je te mets une petite musique de musée, tu nous ferais pas une petite visite virtuelle, là? Mais je peux te dire ce que ça fait d'huile essentielle, si tu veux. Nous t'écoutons, nous sommes au musée de la lavande, nous sommes en groupe. Les Wawa, s'il vous plaît, oui, le groupe des Wawa. Oui, on est là. Vous écoutez, s'il vous plaît, vous écoutez Lise. Lise, bonjour. Vous dites bonjour à Lise. Bonjour Lise. S'il vous plaît, les Wawa, vous restez calme. Je suis désolé, ils sont un petit peu bruyants. Hein, mais ouais. Ils sortent tous de prison. N'importe quoi. Écoutez Lise, nous sommes au musée de la lavande, écoutez Lise. Alors, il y a une différence entre la lavande fine et le lavandin. La lavande fine est un relaxant, alors que la lavande fine est un excitant. Voilà. La lavande fine, on va s'en servir pour ses vertus médicinales, pour si on a des maux de tête, des piqûres de moustiques, des insomnies, c'est désinfectant, cicatrisant, alors que le lavandin... Les ouin-ouins sont partis. Je me doutais aussi, j'entendais plus personne. Il y a Glandu qui vient de sortir une corde pour se pendre dans le... Lise, on te double ton salaire, 2 800 euros. Merci beaucoup. Ça arrive très vite pour toi, on t'embrasse fort. Merci beaucoup, gros bisous à vous et merci. Gros bisous. Au revoir. Ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com. On double votre salaire tous les matins, 7h05 et 8h05. Les concours du jour, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va el va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Bye, bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the limo. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Kenji dans 3 minutes et avant ça on va se faire du bien, oui du bien avec les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Et alors attention, une sorte de combinaison de mauvais parents aujourd'hui. Oh là là, oh là là. On démarre à Nantes, un homme s'est évadé de prison le 9 juillet dernier. Mm-hmm. Il a disparu de la circulation et ouais. On l'a retrouvé hier, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu lui-même. Ah ouais, ouais. La raison qu'il a donnée, écoutez bien. J'étais en planque chez mes parents, je ne les supporte plus avec leurs règles. Si j'avais su, j'aurais préféré faire ma peine normale en prison. Mais non, en mode crise d'ado, quoi. Ouais, ah bah, exactement. Mais ce qui est dingue, c'est que les parents les cachaient aussi. Ah bah oui, parce que c'est interdit. Hein. C'est-à-dire que leur enfant est évadé, eux, ils se disent bon, hey, bon, on va rien dire à personne. C'est pas très grave. Ouais. Et le truc, c'est que, ok, tu sors de prison, on dit rien, mais il y a les règles. Ouais. Tellement chiante que le mec rentre en prison. Peut-être que les parents l'ont fait exprès pour lui donner mais une leçon. Peut-être, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Attention, j'ai la pire maman du monde. Ah. Elle est aux États-Unis, elle a 36 ans. Et la semaine dernière, elle prend un rendez-vous chez le dentiste avec son enfant. Mais comme tous les enfants, évidemment, il ne veut pas aller chez le dentiste. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Elle le prend avec elle, elle monte dans la voiture. Et là, son fils, tellement il ne veut pas aller chez le dentiste, ouais. Colin monte dans la voiture, il court et il monte sur le capot de la voiture. En ouais. disant, non, j'irai alors. Pas chez le dentiste. Ouais, hein. Là, a priori, on se dit que la mère, elle va le prendre, elle va le calmer, elle va le mettre dans la voiture. Bah, oui, non, évidemment. Elle rentre dans la voiture, elle démarre la voiture. Mais non. Non, mais quoi. Et elle roule. Elle est folle. Avec son fils de 12 ans sur le capot de la voiture. Oh là là. Alors là, on peut se dire, elle l'emmène chez le dentiste. Non, elle l'emmène au commissariat de police. A priori, elle se dit, bah, comme ça, les policiers vont pouvoir lui faire la morale et lui dire qu'il faut aller chez le dentiste. Elle fait 2 km comme ça avec son enfant de 12 ans, oh là, là. Là, sur le capot de sa voiture. Oh elle arrive au commissariat, les policiers voient ça. Alors, bizarrement, c'est incroyable, c'est pas l'enfant qui l'engueule, c'est la mère. Étonnant. Et elle a été arrêtée pour mise en danger d'un enfant avec cette histoire improbable. Ah ouais. Ça va coûter cher en séance de psy, ça. Ça va être compliqué pour l'enfant. C'est chaud. Dernier concours du jour, ça se passe à Lyon. Un prêtre se fait arrêter par les gendarmes pour excès de vitesse. Et là, il sort cette excuse. Ce n'est pas de ma faute, ma voiture est possédée. Le diable sait qui je suis et il a pris le contrôle du volant. Ouais. Les policiers ont dit ok, ils l'ont libéré. Mais non, quoi. Non, mais non, évidemment, non. Le mec a été arrêté, il a pris un PV. À 8h14, on revient tout de suite avec Kenji. Diago. C'est Manu dans le 6-9, bougez pas. Manu dans le 6-9. Oh Manu, dans le 6-9, Manu. Sur Énergie. C'est une expression, bougez pas, vous avez le droit de faire 2-3 trucs quand même. Music on. Energy is music only. Kenji, on va dire merci parce que c'est jeudi, on dit merci. Ah oui, oui. Le jeudi, on dit merci. À qui voulez-vous dire merci? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Tout le monde dans le studio, réfléchissez. Okay. Mmh. À une personne, à qui vous voulez vraiment dire merci, c'est dans 3 minutes, juste après Kenji sur Énergie. Il est 8h18, mon Dieu, que le temps passe vite là. Comme il y a. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. au-dessus de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon en 20. Bienvenue sur Energy. On va s'écouter The Prince Karma. Later, bitches. Mais avant ça, on va dire merci. Le jeudi, sur Energy, on dit merci. Oui. Merci à quelqu'un. Là, vous avez envie de remercier pour quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il a dit. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Ah oui. Ouais. Alors, Thanksgiving aux États-Unis, c'est un truc qu'ils prennent très, très au sérieux. Ouais. Ouais. Ils disent merci. Mais vraiment, les gens s'envoient des mails. Ils vont voir les gens pour les remercier eux-mêmes. Ils font un dîner, un vrai gros dîner de famille où tout le monde se remercie à table. Ouais. C'est vraiment très premier degré. Ils disent vraiment merci à tout le monde. Sauf à la dinde, quand même. Ils disent pas trop merci à la dinde. C'est le problème, c'est qu'ils mangent tous des dindes. C'est pas sympa pour eux. Bon, c'est pas sympa. En même temps, à Noël, tout le monde mange des dindes aussi. C'est vrai. Faites pas genre la dinde. Hein. okay, c'est une sale époque pour les dindes. Ouais, vraiment. C'est vrai. Vraiment, si je me réincarne un jour en dinde, je saurais que j'ai pas été super dans ma vie d'avant. Hein. À qui voulez-vous dire merci, Paulette? Merci à ma copine Mathilde de m'avoir dit bravo alors que j'avais 10 minutes de retard au rendez-vous qu'on s'était fixé toutes les deux. Elle t'a dit bravo parce que t'avais que 10 minutes de retard? Oui, elle a remarqué la performance. Ah bah alors tu peux lui dire merci effectivement, ouais, mais 10 minutes de retard, moi c'est moi qui te dis merci. Hein. Ouais. Enfin, je te dis pas merci parce que nous c'est toujours une heure de retard. Ouais, mais vraiment là c'est un progrès. Hein. J'avance. Wow. Mais t'avais donné un rendez-vous une heure avant? C'est ça? Ah, peut-être. Elle avait menti sur l'heure du rendez-vous? Non, en plus, j'ai vraiment eu que 10 minutes de retard. Je sais que ça vous dépasse, ce qui se passe. Mais... Non, c'est toi que ça dépasse. À qui voulez-vous dire merci, Nico? À ma femme, parce qu'elle a fait du tri dans ses placards pour que je puisse, moi, rajouter les chaussures. C'est le Black Friday demain, les gars. C'est marrant. Chez toi, dans ta vie, c'est tout l'inverse. Ouais, j'ai plus de chaussures. Moi, il fallait que je fasse de la place dans le lit pour mettre ses chaussures. Ah ouais? Et demain, pour le Black Friday, tu vas t'acheter les pompes? Ah bah évidemment. Là. Ouais. Oh là là. Ouais, mais ça commence déjà à 17h, donc je vais regarder un peu Internet déjà. Je regarde, je repère et boum, je vais en magasin. Je connais ma taille. Et ouf. Amandine, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut l'équipe. Hello. Bienvenue Amandine parmi nous. À qui veux-tu dire merci? Alors moi, je voudrais dire merci à mon fils de 7 mois qui a fait sa première nuit complète de 20h à 7h sans me réveiller. Enfin. Oh, et ben bravo. Ah ouais. Alors pour avoir eu un enfant, enfin j'en ai toujours un. Oui. Ma fille à un moment a été bébé et c'est vrai que ce truc des nuits, je ne comprends pas. Toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, il se réveille. Mais juste pour te dire, eh ben maintenant ta vie est foutue. Et après, il se rendort, tu dis, ah, je vais aller me coucher. Et 3 heures après, t'y croyais? C'est marrant ce truc. Mais tu peux pas dire une nuit, c'est ta femme qui se lève et l'autre, c'est toi? Comme ça, t'as une nuit complète, une jour sur deux? Ah, mais c'est ce que je faisais parce que je faisais déjà le matin, on était déjà sur énergie. Ouais. Donc forcément, je me levais beaucoup moins bien. Tu jamais, du coup. Bah, pas jamais, mais. Mais alors pourquoi tu râles? C'est ça qui est dingue. Parce que ça me réveillait quand même. Non, quoi. Alors, il y a une différence entre être réveillé et se lever, aller chercher le bébé, lui donner le sein ou le biberon, tu vois. C'est quoi, si j'avais donné le sein à ma fille, elle serait bien emmerdée aujourd'hui. Hein. Alors réfléchis avant de parler. Merci de nous avoir appelé, Amandine. À qui voulez-vous dire merci, Glandu? Merci à ma kiné, elle m'a offert un bonbon.

La Black Friday Week, c'est maintenant sur Amazon, avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour préparer les fêtes, acheter des cadeaux pour vos proches ou tout simplement pour vous faire plaisir, laissez-vous tenter. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est jusqu'au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25€ d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur amazon.fr. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités magasins participants sur intermarché.com. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h30, juste avant les infos, comme chaque matin depuis maintenant quasiment deux semaines. Oui. Yes. C'est le son à 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Tous les matins à 8h30, je vous fais écouter un son. Le même depuis maintenant quasiment deux semaines. Ouais. Et il n'a toujours pas été trouvé. Ce son, je vais vous le faire écouter à nouveau. Vous nous appelez au 0870 42 48. Si vous le découvrez, vous gagnez 10 000 euros. Il est rapide, il est court, il est petit, écoutez-le. C'est rapide. Hein. Ah ouais. Ouais. Je vais vous le faire écouter. Merci. De rien. C'est court. Ouais. Oui. Encore. C'est un son que j'ai enregistré, c'est un vrai son. Et quand j'ai enregistré, on a tourné une vidéo pour montrer que vraiment, il n'y a pas de gruge. Okay. Ouais, okay. Ce son, vous le découvrez, vous gagnez 10 000 euros. Chaque jour, c'est 3 chances de gagner. Aujourd'hui, on monte. Ah ouais ? 5 chances. Wow. Wow. Allez là ! Je vais prendre 5 d'entre vous. Et il y a en plus un petit bonus. Ah. Le son à 10 000 euros risque de valoir peut-être plus. Quoi ? Oh ! Restez là. 0870 42 48. Vous pouvez le trouver, il vaut 10 000 euros, voire plus, dans 3 minutes. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est de mieux en mieux côté météo. En tout cas, aujourd'hui, on retrouve un temps plus agréable avec des éclaircies pour tout le monde. Grand soleil même pour le sud-ouest. Il y aura quelques averses de la Bretagne à l'Île-de-France. C'est vrai, mais rien de gênant en principe. Attention tout de même au brouillard en ce moment dans la moitié nord. Les températures, elles remontent un petit peu. On repasse dans le positif, mais tout juste ce matin. Et cet après-midi, il fera encore 7 degrés à Bourg-en-Bresse, comptez 9 à Rennes, jusqu'à 13 pour Albi. Une promesse, le gouvernement ne touchera pas aux frais d'inscription à la fac l'an prochain. Et pourtant, la Cour des comptes a mis la pression pour que les droits augmentent assez nettement. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il faut débourser 243 euros pour un master contre près de 10 000 aux États-Unis dans le public. Malgré la concurrence, la télé reste toujours aussi populaire dans les foyers français. Selon l'étude du CSA publiée hier, 94% des familles ont un téléviseur à la maison. En revanche, quand on vit seul, plus on est jeune et en ville, moins on a tendance à s'équiper. Et côté habitude, le boom de la VOD se confirme. Les écrans, d'ailleurs véritable star du Black Friday, demain, c'est le moment de réaliser de très bonnes affaires. Jusqu'à 20% de réduction annoncée pour l'occasion cette semaine. Et selon une étude, ce matin, les plus gros rabais affichés seront en rayon enceinte connectée et jeux PS4. Les gilets jaunes, le mouvement continue, même si on attend une plus forte mobilisation samedi pour la nouvelle journée d'action dans Paris. La situation dégénère en revanche à La Réunion. Des bandes de casseurs provoquent le chaos en marge des blocages. Un couvre-feu a même été déclaré dans plusieurs villes de l'île pour favoriser le retour au calme. La nuit a été un tout petit peu plus paisible que depuis le début de la semaine. Les festivals en guise d'échauffement. Cet automne, MC Solar reprend la route pour son géopoétique tour avec énergie et une série de concerts pour partager ce 8e album avec son public. Et malgré les années qui passent, il est toujours aussi heureux de remonter sur scène. Il faut considérer, à mon avis, la musique comme un jeu et se faire plaisir à chaque fois. C'est-à-dire, les figures imposées, je pense que je dois les connaître à peu près, c'est-à-dire une rythmique et des paroles dessus. En gros, si on arrive à se faire plaisir, l'écriture suit, puisque ce ne sont pas les mêmes émotions qui arrivent dans le stylo. Et c'est aller faire des voyages. On a fait de la soul avec Bouche de là. Après, on a tâté le rock avec Da Vinci Claude. Mais on avait commencé un petit peu avec Solar Pleur. Je crois que c'est ça, pour pas se répéter. C'est aller explorer des nouveaux genres musicaux. L'interview signée Morgane Desrien ce soir, M6 Solar sera à l'Accor Hotel Arena de Paris. Vous retrouvez toutes les infos, les dates de sa tournée sur energie.fr ce matin. 8h34, c'est la fin de ce flash. On est jeudi 22 novembre. Très bon réveil, bonne matinée, bon jeudi sur Énergie avec Manu dans 6-9. Dans 5 minutes, juste après The Prince Karma, c'est le retour des sondages du matin. Il y aura de l'amour. Ah. Une femme sur 5 a déjà mis fin à une relation avec un homme à cause de cela. C'est pas vraiment de l'amour. La réponse à la question, eh ben, faut attendre, c'est dans 5 minutes. Mais avant ça, n'attendons plus, voici le son à 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Ça fait quasiment 2 semaines que tous les matins à 8h30, on vous le fait écouter. Il n'a toujours pas été trouvé. C'est le son à 10 000 euros. Ouais. Je vous l'ai fait écouter juste avant les infos et je vous ai demandé de nous appeler au 0870 42 48. Quel est ce son ? Ouais. Je vous rappelle que je ne claque pas la porte d'un frigo, que je ne ferme pas un cadenas, je ne change pas la couleur d'un stylo 4 couleurs. Mmh. Écoutez-le encore une fois. Quel est ce son ? Je ne verrouille pas un smartphone, je n'ouvre pas une canette, je ne débranche pas une prise, je ne ferme pas les anneaux d'un classeur. Ouais. Ce son vaut 10 000 euros. Oh là là. Je vous rappelle quelques indices. L'objet n'est pas le même avant et après le son. Voilà. Je n'appuie pas sur quelque chose et je n'ai jamais eu à me servir de l'objet avec lequel je réalise ce son. Ok. Ouais. Ouais. 0 870 42 48. Tous les matins, c'est 3 possibilités de gagner 10 000 euros. Aujourd'hui, on monte 5 possibilités. Ah, super. Wow. Et attention, allez, une petite surprise. Ah. On va démarrer avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour, salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Hello. 10 000 euros pour toi, quel est ce son ? Alors pour moi, tu utilises un clap de tournage. Les claps de tournage au cinéma. Pour moi, c'est le clap. Oui, c'est pas ça, Laurie. D'accord, c'est pas grave. Merci quand même. Je t'embrasse fort et tu nous rappelles quand tu veux. Voici la petite surprise. À partir de maintenant, je rajoute 5 000 euros à chaque fois. Quoi ? Pardon ? À chaque fois ? Le son à 15 000 euros. Frédéric. Ouais, bonjour Manu, salut Wawa. Bienvenue à toi. Il vaut maintenant 15 000 euros. Bah, wow. Je te fais réécouter le son. Attention. Qu'est-ce que c'est ? Bon, bah moi je pense que c'est toi qui ouvres une mallette type agent secret. Tu appuies sur le bouton, ça déverrouille d'un coup. Ah, les petites, ouais. Écoutez bien. C'est pas ça. Oh, oh merde. Mais tu sais quoi, Frédéric, je vais pas vous donner trop d'indices. Mm-hmm. Mais vous avancez vraiment. Ah. Le son à 15 000 euros, je rajoute 5 000 euros. Mais non. Voilà. 20 000 euros, Sylviane, si tu trouves le son maintenant. Oh. Et bonjour. Et bonjour à toi, on t'écoute. Alors, je pense que c'est Manu qui actionne une tapette à souris. Ah, un petit son. C'était fou, hein. Désolé, c'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. Non, ça monte. Ça tu monte, vas rajouter 5 000 euros là ? Je vais rajouter encore 5 000 euros. Ah. Oh là là. Allez. Il vaut 25 000 euros. Ah. Le patron est au courant ? Ok, allez. Voilà. Il vaut 25 000 euros. On m'a dit le son à 10 000 euros, vas-y, fais-en des caisses. J'ai compris, des caisses de billets. Okay. Okay. 25 000 euros. Wow. Sandrine, bonjour. Salut Manu. T'as entendu ? Oui. 25 000 euros, Sandrine. Oh, c'est. Je sais pas quoi dire. Tu m'étonnes. Écoute-le encore une fois. C'est quoi, Sandrine ? Moi, je pense que tu déverrouilles, en fait, tu ouvres ou tu fermes la batterie de ton ordinateur. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, je suis désolé, Sandrine. Mais vous approchez. Je peux pas vous donner plus d'indices que ça. Vous commencez à comprendre ce qui se passe avec ce son. 30 000 mais euros. Non. Allez. J'ai rajouté 5 000 euros. Wow. Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawa. Le son n'a jamais valu autant. Ah ouais. 30 000 euros maintenant pour toi, Christophe, si tu me dis précisément quel est ce son. Oui, alors. Je pense à une touillette à café que tu casses en deux. Écoutez. C'est pas ça. Oh, c'est malin. Écoutez bien les indices que je vous donne. Je vous ai dit que cet objet, je n'ai jamais eu à m'en servir. Mais ouais. Une touillette, je m'en suis servi. Ben oui. Ah, je pensais qu'il prenait pas de sucre dans ton café. Il est bon, il est bon. Tu mériterais presque 30 000 euros. Allez, la moitié. Tu nous rappelles quand tu veux, Christophe. Le son à 10 000 euros n'a pas été trouvé. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Il revient demain. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. 8h39. The Prince Karma tout de suite pour vous. Et juste après, c'est les sondages du matin. Bon réveil. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. h 42, bienvenue sur Énergie. On va écouter Lady Gaga dans 3 minutes, même pas. Lady Gaga. Lady Gaga. Son nom m'a toujours fait rire. Ouais. Lady Gaga, c'est rigolo, Gaga. Ouais. Avant ça, voici les sondages du matin, comme chaque jour pour vous. Alors. Ouais. Ah, on va commencer avec pas de l'amour. Ok. Ah, une femme sur cinq a déjà mis fin à une relation avec un homme à cause de ça. À cause de quoi? Il parlait pas assez. C'est pas ça, Paulette. Il avait pas d'écoute. D'écoute? D'écoute, il l'écoutait pas quand elle parlait, tu vois. Hein? c'est pas ça. Nico, c'est un truc qu'il faisait lui ou c'est en rapport avec ses potes? C'est un truc qu'il faisait lui. Lui? Ah. Et le rapport sexuel était pas assez long? Non. Alors peut-être, mais c'est pas ça. Tu le fais toi, par exemple? Oui. C'est un rapport avec une passion? Oui. Ah, les jeux vidéo? Oui. Ouais. Une femme sur cinq a déjà mis fin à une relation avec un homme à cause de son obsession pour les jeux vidéo. Et, ouais, et le pire, c'est que là-dedans, pour la moitié des mecs, ils s'en sont aperçus une fois la partie terminée. Oh non, c'est tellement triste. Elle est où? Oh là là. Mais il est où le meuble? Oh, ça va pas, excuse-toi. Enfin. Et là, il l'appelle. Mais t'es où? Et ça fait 2 mois que je suis parti. Ah bon. Pour 3 personnes sur 4, c'est ce qu'elles détestent le plus dans leur travail. Qu'est-ce que c'est? Le temps de trajet. Non. Leur salaire. Non. Non, c'est un truc qui est au travail ou pas? Oui, ah oui, c'est au travail. La machine à café. Non. Ah, la connexion Wi-Fi. Non plus. C'est une personne? Oui, c'est une personne. Ah, ah bah là, c'est leur facile. Leur collègue de travail. Non, c'est une personne en particulier. Le patron. Eh ben oui. Oh, dur. Écoutez, pour 3 personnes sur 4, ceux qui le détestent le plus dans leur travail, c'est leur patron. Oh non. Ah, c'est pas le cas ici. Hein. Ah, ouais. Ouais. Ah non. Bah, alors, ça, je vais te dire quelque chose. Ah ouais. Si un endroit où c'est vraiment pas le cas, c'est chez nous. Ah bah oui. Nous, notre patron. C'est une princesse. Mais oui, ouais, c'est vrai. Une boule d'amour. Oh là là, mais exactement, c'est une boule de poils. On l'adore. C'est une peluche. Ah ouais. On le chérit, on le caresse. Ouais. Oh là là. Mais... oh, ouais. On, chaque matin, c'est à celui qui va venir le raser en premier. On, aime, ouais. On adore raser notre patron. Oh. C'est bon, on a fait le job. C'est ouais. Cool. Allez, on est vraiment dans les 3 sur 4. Une femme sur 10 mettra immédiatement un terme au premier rendez-vous si un homme fait ça lorsqu'il l'attend devant chez elle. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup d'amour aujourd'hui dans les sondages. Ouais, mais... s'il siffle ? Non ! S'il se cure le nez ? Non ! Mais Nico est pas loin, en fait. Ah, s'il sonne trop de fois ? Non ! C'est un truc qu'il fait lui avec son corps ? Pas avec son corps. Ah ! Ah. Avec un objet. Oui. S'il klaxonne dans sa voiture. Une femme sur 10 mettra immédiatement un terme au premier rendez-vous si un homme qui l'attend devant chez elle klaxonne. Oh. Le premier rendez-vous qui klaxonne, enfin, c'est abusé. Mais on non, fait pas c'est ça. Pour dire je suis là, je suis arrivé quoi. Ouais, mais enfin, imagine, t'arrives. Alors tu viens. Non. Franchement, non. Tu non. Refermes ta porte, tu fermes tes volets et ouais. Tu dis je suis désolé, vous avez dû vous tromper de personne. Mais non. Mais alors Brigitte, tu viens, alors je suis là. Allez, oh, le loup. Oh non. 8h45, les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. Dans 3 minutes, on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9 et on va lire les messages que vous nous envoyez aussi sur Facebook, sur Twitter. Nico lit tout, Nico écoute tout, il le partage avec nous. Il va y avoir un festival de moments gênants. Ah justement. Bon ouais, ouais. Ah, ça va être beau. C'est juste après Lady Gaga et Bradley Cooper sur Énergie. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. C'est beau, c'est une belle histoire d'amour. Je suis fan. C'est mon, alors je vous l'annonce, c'est mon nouveau jouet. J'ai un son de klaxon italien. Je ne fais que ça maintenant. Voilà. Oh non. Emmanuel dans le 6-9. Oh là là. On va écouter Aya Nakamura dans 2 minutes, mais avant ça, Nico lit tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et yes. Il écoute tous les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à en envoyer. Et c'est parti, c'est maintenant. On a eu beaucoup de réponses hier sur Facebook à la question: quel a été votre dernier moment gênant? Ah oui, effectivement, le moment qu'on a fait hier était lui-même gênant d'ailleurs. C'est exactement. Il y avait le moment gênant. Je commence avec Amandine qui dit: je me suis assoupie en réunion, c'est mon ronflement qui m'a réveillée. C'est dur ça. Faut qu'elle se fasse opérer des végétations. D'accord, merci professeur. Okay. Merci professeur Paulette. C'est génial. Qui continue dans les moments gênants, c'est cool. Chose importante à rappeler: dès qu'on vous donne un conseil dans l'émission, ne le suivez pas. Voilà, c'est important. Ouais. Faut surtout qu'elle se repose en plus à la maison, mais pas au travail. Ah, c'est ça l'idée. Effectivement. Les bons conseils de Lisa couplés aux bons conseils de Paulette, ouais. Vraiment on va dans le mur. Voilà. Un autre moment gênant, c'est Paul sur Facebook qui dit: j'ai fait coucou de loin à une fille dans un bar qui disait juste bonjour à un mec derrière moi. Ah, mais ah non. Ça, ouais, t'y crois. Mais ça, c'est arrivé à tout le monde. Oui. Quand t'es à un concert, à un endroit où il y a beaucoup de monde dans un bar, tu vois une ouais. Nana qui te fait mais bonjour, ouais. Tu fais bonjour et en fait t'es gêné, c'est derrière. Ouais, c'est t'as déjà commandé le verre et tout, t'es prêt à lui offrir. Ouais, tu t'emballes un peu. Bon, Céline aussi, elle nous dit: j'avais faim, mon ventre a fait plein de bruit pendant la séance avec mon ostéo. Ah. Oh, c'est gênant, ouais, ça. Dur, ça. C'est très gênant. Oh là là là là. Non. Ça reste du bruit, ça reste du bruit. Et un dernier petit moment gênant de Ben qui dit: j'ai ouvert la porte des toilettes et je suis tombé sur mon boss. Assis. Ouais. Mais ça, au-delà de gênant, je pense que ça peut être vraiment traumatisant. Oh. Ouais. Parce qu'après, tu vas voir ton boss qui est assis à son bureau et tu l'imagines sur les toilettes. C'est ça. Ouais. Je pense que t'as même envie d'arriver dans le bureau, tu dis: non, prends les toilettes, c'est mieux. Assieds-toi là, je te vois mieux comme ça. Ouais. Tu peux le faire chanter pour une augmentation. Oh. À propos de mon augmentation. Ouais, bah alors imagine, vas-y, fais-le moi. Comment tu fais chanter, ça m'intéresse. Vas-y. À propos de mon augmentation. Oui. Est-ce qu'on parlerait pas des toilettes? Alors on en parlera, c'est-à-dire? J'ai pris une photo. Je peux l'envoyer à toute la boîte. Oh, le taré. Alors là, c'est toi qui es viré, là. Okay. Oh, d'accord. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein, non, entre les conseils de merde et les... Oh, dis donc. Quoi? Bon, c'était pas de la merde, non, c'est pas vrai. Pourquoi tu te sens visé? Ne vous engueulez pas. Bon, on en était où? Ouais, aux messages réseaux sociaux, aux messages, pardon, vocaux, qu'on reçoit sur l'application Mayon 6-9. Très bien. J'enchaîne. Justement, il y a quelqu'un qui avait envie vraiment de fêter sa mini-victoire avec nous. Salut Manu et l'équipe. Moi, je voulais vous dire que aujourd'hui, le 20 novembre 2018, j'ai réussi ma vie. Je peux mourir tranquille. J'ai fait un compte rond à la pompe, au litre et au prix. Ouh. Alors, c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Alors ça, c'est la classe. Ouais. Quand tu fais un tout pile, prix plus litre. Alors là, ouais, combo, ouais, ça c'est cool. Énorme. Vraiment, vraiment bravo à toi, félicitations. Ouais. Alors après, faut rappeler que ça lui a coûté 3000 euros. Gilets jaunes. Bon, un autre message vocal maintenant, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Petit pot de beurre, quand t'as des petits pots de beurre, iseras-tu? Je mets des petits pots de beurre, iserai. Quand tous les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre, iseront. Gros grand grain d'orge, quand tes gros grand grain d'orge, iras-tu? Je mets tes gros grand grain d'orgerai. Quand tous les gros grand grain d'orge, des gros grand grain d'orgeront. Ok, voilà. Changement. Gilets jaunes. Oh, ça m'a tué. Ah ouais. Dernier message maintenant que vous allez comprendre, mais seulement à la fin. Donc écoutez bien. Allô? Oui? Oui, c'est bien moi. C'est Manu sur Énergie! Je fais juste croire en fait qu'on me double mon salaire. Merci. Salut Manu. C'est excellent. C'est génial. Il y en a qui s'ennuient, voilà. C'est cool. Avec des mecs autour de lui, j'adore. Bon message vocaux, on les écoute tous. L'application Manu dans le 6-9, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Aya Nakamura sur Énergie tout de suite. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Je veux que bon. T'es barré, mais t'en veux encore.